de trouver pire. Je te défonce dans le cul jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Je pousserai des éclats de rire tout en vomissant au plaisir. Dans la cravache, je me fâche. Dans la cravache, je me fâche. J'ai des couilles comme des raisins secs, la bite enflue comme une courgette. Avec tout ce que je t'ai mis dans le cul, on dirait que tu es pleine de pus. Et dans ta sanglante fissure, je serai de plus en plus dur. Et sur ta sanglante fissure, je te ferai ma dernière peinture. Pour la cravache, je me fâche. Pour la cravache, je me fâche. Pour la cravache, je me fâche. Pour la cravache. Sur ta petite gueule d'amour, qui ne sera plus qu'une éraflure, je déposerai de doux baisers tout en te demandant de m'aimer. Et sinon, sinon quoi? Ou sinon, sinon quoi? Ou sinon, sinon quoi? Foutue grosse vache.